Bonjour, je suis ravie de parler avec vous aujourd'hui. Je vous ai préparé en fait deux PowerPoints, un PowerPoint d'introduction pour expliquer dans quelles conditions nous avons donc choisi à Marimont de faire cette exposition d'une île à Alexandrie, Histoire d'eau, qui était une exposition, je dirais pratiquement clé sur porte, qui était montée intégralement au centre d'études Alexandrine et donc qui a été présentée notamment au Musée Royal de Marimont. Mais donc, a priori, je voulais vous expliquer l'importance aussi de la géographie du pays dans la pensée religieuse égyptienne, puisque vous verrez que les objets qui ont été choisis pour illustrer l'exposition sont en rapport avec cela. Alors, comme il y a peu d'entre vous qui sont familiers avec la civilisation pharaonique, je vous rappelle quelques grands points liés à ce sujet. D'abord, la carte, évidemment, est très explicite. L'Égypte est au carrefour de trois continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Et donc, effectivement, ça n'a pas échappé dans l'Antiquité. Et l'Égypte est un pays qui était aussi convoité pour cette raison. Par sa géographie particulière liée au Nil, hein, qui est un des plus grands fleuves du monde, l'Égypte est en étroite relation avec l'Afrique et par son delta et sa situation particulière, évidemment aussi avec l'Asie. Et donc, la partie du pays qui est la plus ouverte vers l'extérieur, tant par la mer, c'est le delta, tant par la mer qu'à l'ouest et à l'est, donc vers les populations libyennes à l'ouest et asiatiques à l'est. Et il y a d'ailleurs plusieurs royautés à l'époque pharaonique qui vont siéger à cet endroit, une royauté libyenne à la troisième période intermédiaire. Mais aussi précédemment, il y a une série de populations venant d'Orient, qu'on appelle les Hyksos, mais littéralement le mot transmis par les Grecs veut dire les chefs des peuples étrangers, donc une série de populations qui se sont installées dans le delta, donc des étrangers en Égypte. Évidemment, l'histoire du delta est très dépendante non seulement de sa morphologie, mais aussi du système hydrographique qui gouverne ses accès. L'Égypte antique s'appelait elle-même la Terre Noire, faisant référence au limon du Nil développé à la suite de la crue, mais en opposition avec la Terre Rouge qui incarne le désert. Donc d'une part la fertilité, d'autre part la stérilité et le désert. Et donc les grands mythes vont faire état de cela lorsqu'on parle de l'opposition entre le dieu Osiris, qui incarne l'agriculture, la végétation qui renaît, et son frère Seth, qu'on appelle aussi le rouge, qui incarne le désert, qui essaye de gagner du terrain. Le mot Égypte que nous connaissons a été transmis par les Grecs à travers un vocable de l'Égyptien ancien qui évoque la ville de Memphis, le château du Kadepta. Donc effectivement, contact avec le sud et avec l'Afrique, contact donc avec l'Est et l'Orient. Et donc ce qui sera extrêmement lancinant dans l'histoire de l'Égypte, c'est que l'histoire de l'Égypte a commencé, et ça c'est une originalité, par l'unification du nord et du sud, les deux terres, et on va rappeler toujours à l'aide de plantes symboliques du nord et du sud de l'Égypte, que le pharaon est celui qui règne sur l'Égypte. Les traditions, je dirais, pharaoniques, dans certains cas, et là je me suis un peu amusée à montrer que les enfants à l'époque pharaonique sont souvent représentés la tête rasée avec une mèche de cheveux tressée, tradition que l'on peut encore observer dans certains pays. Mais donc évidemment aussi dans la pensée égyptienne, ce qui est très important, c'est la crue du Nil. Et voilà par exemple une stèle dite de la famine qui décrit donc l'inquiétude d'un pharaon pour son pays qui est en proie à la famine parce que la crue du Nil n'a pas été telle qu'elle aurait dû être depuis très longtemps. Cet impact du Nil et la nécessité de créer des canaux d'irrigation fait que dès le début de l'histoire de l'Égypte, on a des images de Pharaon. Voilà par exemple sur cette tête de massue qui est conservée à l'Ashmolean Museum d'Oxford, on voit un Pharaon, un des tout premiers rois égyptiens, avec une houe occupée à creuser un canal, peut-être un canal d'irrigation. Ça veut dire aussi que puisque le Nil est une voie de communication, le bateau est aussi très important dans l'imaginaire égyptien. Et donc on utilise le bateau évidemment pour se déplacer, mais également on imagine que puisque le ciel est bleu et qu'il pleut, les astres dans le ciel se déplacent également en barque. Et donc on imagine que le soleil utilise une barque. Et on utilise également dans les temples des barques pour transporter les statues processionnelles. Donc importance de tout ce qui est lié à l'eau, à la crue, à la navigation. La réalité géographique fait que le pays est aussi très fortement orienté. Et donc à l'est, du côté du soleil levant, on établira symboliquement les villes. Donc c'est le lieu de la vie. Alors qu'à l'ouest, du côté du soleil couchant, symboliquement, les nécropoles. Le Nil, c'est aussi six cataractes jusqu'à Khartoum. La première cataracte à Assouan est donc, si vous voulez, la frontière, la limite géographique ancestrale de l'Égypte par rapport à l'Afrique. Alors, revenons donc au delta. Vous voyez évidemment que le delta, du fait des différentes branches du Nil, est aussi la région la plus prospère de l'Égypte, avec des marais. Et donc ces marais ont donné aussi, ont contribué aussi à l'imaginaire égyptien. Par exemple, c'est dans les marais du delta qu'on situe l'enfance du dieu Horus, qui avait donc été conçu de manière posthume par sa mère, et donc il est caché dans les fourrés de papyrus du Delta par sa mère Isis pour grandir assurément. C'est aussi probablement à l'image du Delta, de la décrue, lorsqu'à la décrue on voit apparaître des îlots, que les Égyptiens ont pu imaginer la création du monde. Les Égyptiens imaginent qu'au départ, avant la création du monde, il y avait un océan primordial, une nappe d'eau primordiale, et puis qu'un jour un tertre a jailli, qui est peut-être symbolisé aussi par la pyramide, que dans ce marécage primordial, un lotus bleu a jailli, qui a donné naissance au premier soleil du monde. La mentalité égyptienne pharaonique est aussi obsédée par l'idée que le soleil se lève chaque jour et que les saisons reviennent chaque année en leur temps, la crue en leur temps. Et là, le principe fondateur de la civilisation pharaonique, c'est ce qu'on appelle Maat, ça veut dire l'équilibre cosmique, l'équilibre social. Maat, c'est donc ce petit personnage féminin, il est personnifié par une femme parce que le mot est féminin. Mais c'est la personnification, si vous voulez, de l'organisation du monde. Alors le roi l'offre aux divinités pour qu'en retour les divinités fassent que le soleil se lève chaque jour et que tout revienne en son temps. Le roi offre le hiéroglyphe qui signifie les champs, la fertilité, pour qu'en retour le dieu fasse cela. L'orientation est telle, tellement importante que les temples, par exemple, sont orientés d'est en ouest, mais donc il y a une orientation symbolique aussi, par exemple ici pour les cercueils. Le sud est personnifié par un vautour femelle qui s'appelle Nekbet, dont le lieu de culte se situe à El Kab, qui se trouve près d'Edfou, donc au sud du pays. Le canton au nord, il est personnifié par soit un personnage féminin ou un cobra femelle qu'on appelle Wadjet. Wadjet, dont le centre de culte ici dans le Delta se trouve être Bouto. Bouto, qui est le mot qui nous a été transmis par les Grecs, qui avait assimilé la déesse Wadjet à une divinité grecque, Leto. Ces deux personnifications du nord et du sud apparaissent donc comme des femmes ici qui portent la couronne du sud ou la couronne du nord, ou comme des serpents portant la couronne du sud et la couronne du nord. Mais vous voyez que c'est donc extrêmement lancinant dans le vocabulaire iconographique égyptien. Quand le nord et le sud du pays sont unis, eh bien ça veut dire que le pays est très fort. Ça apparaît au front des pharaons, dans les bijoux, donc c'est symbole d'unité. Quand les deux parties du pays ne sont pas unies, ce sont les périodes dites intermédiaires. Symboliquement aussi, des plantes sont les plantes qui symbolisent le nord ou le sud. Alors voilà évidemment des cartes qui évoquent, cartes aériennes qui évoquent le delta. La crue va également être la raison d'organisation de l'année en saison. Trois saisons de quatre mois, la saison des crues, la saison des semailles et la saison des moissons. Donc un impact très important dans l'organisation de la société. Je vous montre quelques belles images aussi de l'origine du Nil qui prend sa source donc, à la fois dans le sud, en Afrique, mais aussi en Éthiopie. Alors, quelques belles images. Voilà. La question des sources du Nil va évidemment longuement intéresser les gens dans l'Antiquité qui vont les situer en Afrique, un endroit qu'on appelle les montagnes de la Lune. Mais aussi, on a des mosaïques, une mosaïque dont vous a déjà parlé hier, qui évoque donc assez schématiquement, si vous voulez, l'Afrique jusqu'à Alexandrie, et donc un paysage africain où l'on découvre ici donc, des Africains. Mais assez paradoxalement, il y a un seul endroit où l'on voit iconographiquement les sources du Nil, et c'est dans l'île de Philée, dans le temple d'Isis, à un endroit qu'on appelle la porte d'Adrien, c'est-à-dire qu'elle est d'époque romaine. On a cette superbe image où on voit donc un rocher avec justement les animaux qui évoquent le nord et le sud, et un génie à l'intérieur qui est un génie androgyne, à la fois masculin et féminin, parce qu'il évoque précisément la fertilité de la crue qui verse deux... qui a deux jets d'eau et qui évoque la crue du sud, puisqu'on voit qu'elle vient du sud, et la crue du nord. Ce génie, Api, est très très fréquemment représenté avec, donc vous voyez qu'il est ici androgyne, mais depuis l'époque pharaonique, certains pharaons vont également prendre l'aspect du dieu Api, ou en fait cette personnification de la crue du Nil, pour montrer qu'ils sont responsables de la fertilité, jusqu'à l'époque ptolémaïque, où en association avec des souverains ptolémaïques, on trouve aussi Api. Cette personnification du Nil se retrouve à l'époque gréco-romaine avec un personnage masculin allongé avec une corne d'abondance et parfois aussi une série de petits poutis, des petits les pékéis, enfin, parfois 16, qui évoquent chacun la coudée, une coudée. Alors 16 coudées, c'est la hauteur de la crue idéale. Alors là, pour le plaisir, je vous montre celle que vous pouvez voir aux Tuileries. Symbolique évidemment importante du lotus bleu, un lotus bleu justement en raison donc de ce cœur jaune va aussi évoquer l'idée que le premier soleil du monde est sorti du lotus au matin de la création du monde, de ce marais primordial dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc évidemment le lotus intervient partout dans l'iconographie égyptienne, de même que le papyrus, autre plante aquatique qui signifie tout ce qui concerne reverdir. Alors pour ce qui est de la crue, les Égyptiens l'expliquent à l'aide d'une métaphore et d'un mythe. C'est le mythe de la vache du ciel. C'est le mythe aussi du retour de la déesse lointaine qui raconte que le créateur, le démiurge était devenu vieux. Alors l'humanité s'est moquée de lui. Et donc son œil brûlant, le soleil, sa fille, Hathor, va se lancer à la poursuite de l'humanité jusqu'en Nubie pour détruire tout le monde, avide de sang. Elle se transforme en lionne qui se repaît du sang des humains. Et puis le démiurge se dit que si tout le monde meurt, il n'aura plus d'adorateur. Alors il envoie son intelligence active, Thoth, qui est l'incarnation de l'intelligence qui va plaider le retour de la lointaine. Et donc ce mythe du retour de la lointaine qui revient donc en Égypte, calmé par la maternité, c'est l'image d'Hathor qui devient Sekhmet, la lionne avide de sang, qui se transforme en Bastet, la chatte, et qui donc revient en Égypte fertiliser la terre. Donc c'est comme ça que les Égyptiens expliquaient ce phénomène extraordinaire et si fondamental de la crue. Évidemment, tout a changé avec la construction du barrage d'Assouan. Ce n'est pas mon propos de vous l'expliquer ici. Ce barrage d'Assouan qui a créé donc, qui était l'occasion de la création du lac Nasser, lac artificiel de 500 km, mais qui aussi a englouti toute une série de monuments importants. Et alors une campagne internationale, une première grande campagne de l'UNESCO a visé le remontage des monuments de Nubie et c'était le point de départ de la mondialisation du patrimoine et l'intervention d'un concours d'une série de pays pour la protection du patrimoine égyptien. Mais il y a beaucoup de temples, Philae, Wadi Sebouah. Alors vous dire également que c'est une question d'actualité, la question de l'eau en Égypte, en raison de la construction donc d'un barrage au Soudan, qui est le barrage de Meroé, et plus récemment, alors, le barrage Renaissance en Éthiopie. Et donc, les enjeux concernant l'eau sont aujourd'hui très, très, très importants. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Maintenant, vous expliquer donc dans quel contexte nous avons accueilli l'exposition du Nil à Alexandrie, Histoire d'eau. Donc exposition qui a été intégralement conçue et montée par le Centre d'études Alexandrie. C'est une conception d'Isabelle Herry, mais avec Borçak Madran, une collègue d'origine turque, qui a donc réalisé aussi toute une série de panneaux que vous allez voir. Cette exposition a été montée à Neuchâtel, d'abord en Suisse, ensuite au musée de Tessé, dont vous voyez l'architecture ici, et in fine au musée royal de Marimont en Belgique. Donc Suisse, France, Belgique. Alors évidemment, c'est une exposition clé sur porte, mais qui a été adaptée aux conditions locales et aux collections locales. Voilà quelques vues donc de l'affiche de l'exposition au musée de Tessé, où évidemment on fait référence aussi au passé égyptien avec les pyramides et évidemment, puisqu'il s'agit d'Alexandrie, le phare. Marimont, le musée donc, dans lequel je me trouve, est un musée qui est très important. C'est le plus important de la partie francophone de la Belgique. Il est situé, comme vous le voyez ici, voilà, le musée est là, dans un environnement qui est un ancien domaine royal, un ancien domaine de chasse royal du XVIIIe siècle, dont il reste des vestiges. Le musée lui-même est dans un parc. Donc le musée était construit au XVIe siècle. D'abord c'était un château pour Marie de Hongrie, la sœur de Charles Quint, qui était notre empereur à ce moment-là. La région était espagnole. Et puis les châteaux se sont succédés à cet emplacement. En 1960, le dernier château qui était devenu un musée, entre-temps, a été détruit par un incendie. Mais les collections qui s'y trouvaient ont pu être sauvées et on a reconstruit un bâtiment moderne. Donc nous sommes dans un parc historique, parce qu'il y a des arbres qui ont 200, 300 ans, et donc aussi un lieu d'histoire. ATC, alors voilà la configuration des lieux, voilà comment, si vous voulez, la scénographie était distribuée en fonction de ce parcours en différentes salles. Donc l'équipe du CALEX a conçu une carte avec évidemment sur le parcours du Nil les lieux très importants qui concernent aussi le Nil avec et des panneaux lumineux tels que ceux-ci, avec une documentation concernant un certain site. On commence donc au sud. Évidemment, je vous parlais il y a un instant du temple d'Isis sur l'île de Philée. Eh bien, donc, on commençait par là, puis Komombo, puis remontait jusqu'au delta, en évoquant évidemment les avatars de la crue du Nil, aussi la construction dès l'époque antique de barrages et de canaux d'irrigation. Une documentation très importante aussi concernant l'iconographie d'Alexandrie et ce que l'on peut connaître d'Alexandrie à travers les récits des voyageurs, puisque Alexandrie, évidemment, était le lieu d'arrivée par excellence des voyageurs occidentaux qui venaient depuis le Moyen-Âge, soit en pèlerinage, puisque l'Égypte est aussi un lieu où passe pour avoir séjourné, par exemple, la Sainte Famille, mais aussi c'est l'histoire de Moïse, etc. Donc des voyageurs occidentaux qui ont donc décrit, et voilà par exemple un agrandissement d'une superbe carte du XVIe siècle. Une salle qui est consacrée également à l'eau et aux techniques de l'eau et aux outils utilisés pour l'eau, pour puiser l'eau, à vis d'Archimède, mais aussi, ce qui était très très exceptionnel dans l'exposition, c'est un ensemble de maquettes qui évoquent en particulier les citernes à Alexandrie aussi célèbres. Voilà les machines de l'eau et alors l'évocation de l'eau au quotidien avec une série de jarres qui sont encore utilisées aujourd'hui et notamment les fameuses jarres Balas qui tirent leur nom du lieu Balas en Haute-Égypte, village où on fabriquait ces céramiques qui étaient ensuite dispersées à travers toute l'Égypte et qui servaient traditionnellement à aller chercher l'eau au bord du fleuve. Très important aussi, l'eau dans la vie quotidienne, l'eau joue un rôle aussi très important dans le monde des morts. À l'époque pharaonique, il y a toute une série de formules magiques qui, évidemment, évoquent l'importance de l'eau et le fait de pouvoir disposer de l'eau dans l'au-delà. Alors, autour de l'exposition, une série d'activités, comme toujours pour la médiation du patrimoine est quelque chose d'important. Je vous expliquais il y a un instant donc toutes ces métaphores liées à l'eau en Égypte antique et donc voilà au musée de Tessé une série d'activités importantes, de même à Marimont. Alors je vous disais que dans les différents lieux d'exposition il y a une adaptation. Et par exemple, à Marimont, nous avons accentué le sujet sur le mythe du retour de la lointaine pour expliquer le retour annuel de la crue du Nil et l'impact de ce retour dans l'imaginaire égyptien et la société égyptienne, parce que nous avons des collections qui s'y prêtent en Belgique et parce que donc notre souci était celui-là. Pour le reste, nous avons donc eu également le même parcours et le même type d'iconographie. À Marimont, la place était suffisante que pour allonger au sol la carte et donc qui a eu un très grand succès de la part des visiteurs. Et donc ces panneaux lumineux étaient très utiles aussi parce que lors d'une exposition temporaire, bien entendu, il y a toute la médiation qui se fait par l'intermédiaire des guides du service pédagogique ou par l'intermédiaire d'autres conférenciers, mais il faut toujours compter aussi sur le public isolé, le public en famille. Il faut que le public en famille puisse s'y retrouver, et donc ces panneaux avec une série donc d'informations fondamentales. Là aussi, donc, des espaces dévolus donc, à Alexandrie, à l'eau au quotidien, les citernes d'Alexandrie. Là, nous avons un bel espace, si vous voulez, d'exposition temporaire, donc tout à fait dédié à cette fonction d'exposition temporaire. C'est un espace qui est modulable, donc il y a un grand espace central et puis quatre petites salles en épi sur le côté. Et donc c'est ce qui nous permet, par exemple là, avant de venir, vendredi soir, j'ai inauguré une exposition donc, à cet endroit, mais la répartition des espaces est totalement différente. Encore une exposition dédiée à l'Égypte, puisque celle que nous avons inaugurée concerne les dieux, génies, démons de l'Égypte ancienne, toujours dans cette perspective d'évoquer les dieux qui sont des métaphores du monde. Les citernes avec les machines de l'eau, donc à Marimont, ça s'y prêtait bien aussi. La navigation, l'eau dans la magie et les rites funéraires. Alors là, autour de l'exposition aussi, une série d'activités, comme d'habitude, des visites guidées, des conférences. Alors Jean-Yves est venu donner une conférence et évidemment, le succès a été tel qu'il a dû dédoubler cette conférence. Et donc, en guise de préambule, si vous voulez, ce qui était exposé, c'est également le fait que Alexandrie, et ça c'est une particularité, a été créée en dehors du Nil. C'est une particularité par rapport aux grandes villes pharaoniques, dont j'étais assez vite en vous expliquant tout cela, mais dans l'Antiquité, évidemment, toutes les villes sont reliées, un peu comme un cordon ombilical, au Nil. Et donc, il a fallu trouver des solutions à un moment donné pour qu'Alexandrie puisse avoir accès à l'eau potable et donc la création d'un canal dès l'Antiquité, canal qui a connu évidemment toute une série d'avatars. Et donc l'exposition s'est ouverte, comme nous l'avons vu, par aussi une carte pour situer donc les différentes villes sur le Nil et aussi donc les mythologies qui s'est développée. Et donc nous avons ça c'était au musée de Tessé, un ostracon, c'est-à-dire un éclat de calcaire, un exercice de sculpteur ou de peintre qui montre ici une embarcation de papyrus dans un fourré de papyrus où on voit donc une dame qui est occupée donc à faire avancer à l'aide d'une perche donc ce bateau, mais également des objets, par exemple des statuettes de ce génie qui incarne la ville. Voilà donc à Marimont et à Tessé. Voilà donc ces panneaux dédiés donc spécifiquement aux différentes villes, avec une bonne explication non seulement du rôle du Nil à cet endroit, mais aussi de la forme du temple de la divinité. En l'occurrence, à Komombo au sud, la divinité peut apparaître sous la forme d'un crocodile, qui est un animal nilotique par excellence. Mais également pour, comme je vous le disais, la navigation, on a de très très nombreux bateaux en matériel, dans le matériel funéraire, qui permettent alors, aux défunts d'époque pharaonique, de pouvoir, par exemple, effectuer après leur mort le pèlerinage à un lieu sacré qui est Abydos, un endroit qui passe pour être un des tombeaux du dieu Osiris, donc qui est un dieu très important. Voilà donc les vitrines du musée de Tessé. Vous voyez que ce sont des vitrines comme celles que nous avons à Marimont. Très intéressant d'avoir donc aussi la généalogie des souverains de l'époque ptolémaïque. Alexandrie a été créée à la suite donc d'Alexandre le Grand, et donc une série de souverains qui se sont succédés qu'on appelle les Ptolémées. Ptolémée étant fils de Lagos, on parle aussi de la dynastie Lagide. Lagide ou Ptolémaïque veut dire la même chose. Et donc, une série de souverains que l'on connaît de diverses manières par leur représentation, parfois attribuée. Et donc, voilà les différents objets qui ont pu évoquer donc, le Nil. Évidemment, les poissons nilotiques. Les poissons vont jouer un rôle également très important dans l'imaginaire égyptien. Par exemple, le tilapia, le boulti, est un symbole de fécondité très important. C'est un poisson qui peut cacher ses alevins dans sa bouche pendant très longtemps, et puis en les relâchant, cette émission d'alevins donne une impression de fécondité extraordinaire. Et donc ce poisson, le boulti, est un symbole très important dans l'Égypte ancienne. Ici, une pièce très très intéressante, conservée au musée du Louvre, on voit une espèce de labyrinthe où on peut imaginer qu'il y avait de l'eau avec des crocodiles. De nombreux objets de la vie quotidienne évoquent évidemment le monde nilotique et le monde aquatique. Voilà une superbe coupe en faïence, faïence entre guillemets, puisque c'est le terme commun utilisé, mais il ne s'agit pas de la technique de la faïence que l'on connaît en Europe occidentale. Et donc, reconstitution de la ville antique à l'aide donc, d'un dessin de Jean-Claude Golvin qui était agrandi. Vous voyez donc ici, nous sommes au musée de Tessé, vous voyez que la ville est évoquée également à travers l'iconographie qu'évoquait Madame Allôme hier, donc la description de l'Égypte, mais il y a aussi d'autres voyageurs qui ont produit une série de cartes et de dessins d'Alexandrie. Voilà la reproduction du dessin de Jean-Claude Golvin. Une attention très particulière aussi à cette représentation d'Alexandrie donc au XVIe siècle par les géographes et cartographes qui se sont donc inspirés aussi des récits des voyageurs. Je vous disais que la documentation était assez fournie à l'aide donc de ces livres anciens. Une documentation exceptionnelle aussi sur la construction des citernes et alors ces maquettes évidemment qui constituent un atout précieux pédagogique. Voilà donc les plans. Les citernes, alors des panneaux vraiment très utiles sur les citernes d'Alexandrie dans l'Antiquité et alors à partir du Moyen-Âge et jusqu'à une époque récente. On a également attiré l'attention sur les cartes qui ont été dressées par Mahmoud Bey, qu'on appelle aussi Al-Falaki, le géographe, qui au XIXe siècle a réalisé une documentation sur l'archéologie d'Alexandrie, mais également documenter les citernes à Alexandrie. Les machines de l'eau, avec donc des images de la vis d'Archimède et un écorché qui, chez nous, en Marimont, était suspendu au plafond, qui était assez spectaculaire, ou modèles réduits de Sakier, de Doria, ou voire de Chadouf, qui est un modèle, je dirais, de machine à eau utilisé dans l'Antiquité. L'eau au quotidien, mais évidemment aussi la navigation avec la fabrication de barques de papyrus, encore en Éthiopie aujourd'hui, avec on projetait en même temps un superbe reportage fait par Jean-Yves Empereur et Marie-Dominique. Alors l'eau au quotidien, voilà, ici nous sommes au musée de Tessé avec une espèce d'arbre à peau très intéressant que nous avons reproduit donc également à Marimont avec à l'appui une série de gravures anciennes qui montrent l'usage évidemment de ces céramiques. Je vous parlais des jarres Ballas tout à l'heure, en voici ici. Et alors également, évidemment, l'évocation de cette tradition si intéressante et si conviviale dans l'Égypte musulmane des zirs, hein, des jarres qui contiennent de l'eau. Voilà donc des illustrations à la fois antiques et plus récentes, pas seulement à l'aide donc de gravures des 18e, 19e siècles, mais aussi des cartes postales de la fin du 19e et du 20e siècle. Voilà un détail de ce magnifique ostracon qui montre donc une barque de papyrus. L'eau et la mort, évidemment, l'eau joue un rôle très important dans le monde funéraire égyptien, à différents titres. D'abord, Osiris, cette figure que l'on connaît essentiellement comme dieu des morts, en fait, c'est une figure très complexe. Osiris incarne aussi justement la fertilité, la fécondité, l'agriculture et les champs. Il est souvent représenté avec les chairs vertes, hein, parce qu'il évoque évidemment les plantations, la végétation, ou les chairs noires, parce qu'il évoque le limon du Nil, donc la fertilité. Osiris, dans la légende, est représenté comme un dieu martyr, hein, mais qui a connu une forme de renaissance. Il a été donc martyrisé par son frère Seth, donc qui incarne aussi les forces désertiques qui essayent évidemment de combattre la vallée, hein, d'entrer dans la vallée. Et donc Osiris représente également le Nil et la fertilité du Nil. Et donc lorsque, par exemple, le Nil est à l'étiage, au moment où, avant la crue, le Nil est très très bas, et donc, évidemment, les végétaux qui se trouvent au fond sont en état de destruction, de pourriture, ça sent très mauvais, et on évoque alors la mort d'Osiris et son corps détruit par la mort, juste avant l'arrivée du flux du Nil qui va revivifier tout cela. Et donc le mort espère avoir la même destinée qu'Osiris. Il espère aussi vivre et disposer dans le monde funéraire de l'eau. Et donc évidemment l'eau sert à la toilette du mort, ça c'est évidemment la première chose, mais on met également à sa disposition toute une série d'objets qui vont lui permettre de s'abreuver dans l'au-delà, et on va faire des offrandes d'eau dans l'au-delà. Sur les linceuls, on voit que le mort essaye, ou espère en tout cas, avoir la même destinée que celle d'Osiris. Cette évocation du Nil, de la fertilité du Nil, apparaît également dans les livres funéraires qui évoquent par exemple ici, comme vous voyez, on voit le canal d'irrigation, on est dans un champ et le défunt est occupé donc à semer avant de pouvoir faire les récoltes. Il a là une faucille à la main. Donc cette évocation donc des saisons, c'était aussi un espoir du défunt qui espère dans l'au-delà pouvoir connaître, comme dans l'Égypte, les trois saisons principales. Voilà le défunt. Et il est évoqué en compagnie aussi donc d'Osiris à l'époque romaine. Alors, une série d'objets peuvent illustrer cela. Par exemple, ici, une table d'offrande où vous voyez des vases qui sont spécialement dédiés à verser de l'eau. Vous voyez qu'il y a de l'eau qui coule ici. Donc, vous pouvez imaginer lors d'un rite que l'on verse de l'eau sur cette table d'offrande. Il y a d'ailleurs un canal qui permet l'écoulement des eaux. Des stèles, donc des, qu'elles soient en pierre ou plus généralement en bois peint, accompagnent aussi le défunt dans la tombe, où l'on évoque la navigation du soleil dans le ciel, ce que je vous disais tout à l'heure, la navigation des astres dans le ciel, et le défunt espère accompagner donc cette course. Voilà à Tessé. des objets de différentes époques, pas seulement de l'époque pharaonique, mais aussi de l'époque ptolémaïque et romaine, qui évoquent donc les libations, les offrandes d'eau, voire de lait avec les situs. Donc évidemment, les défunts à l'époque pharaonique et ptolémaïque sont souvent momifiés, ou en tout cas conservés de la meilleure façon possible, et donc attesté quelques momies. À Marimont, le mythe de la lointaine était évoqué par cette transformation d'Hathor, voilà, vu à Marimont. Le contexte nilotique, avec toute une série d'objets qu'on appelle par exemple des cuillères à phare, faute de connaître leur usage précis. Ici, une cuillère en bois, il y avait un couvercle, mais qui est perdu, avec toujours l'évocation lotus et papyrus, l'évocation des plantes héraldiques de l'Égypte. Voilà un objet, un pendentif, une amulette en forme de papyrus. Une amulette, vous voyez qu'il y a un anneau de suspension. Et donc, ce souhait, enfin, cette image du Nil qui est symbole de renaissance, de vie nouvelle avec la crue, est omniprésente dans l'imaginaire égyptien. À Marimont, nous avions ajouté aussi des modèles réduits, des statues trouvées donc en association avec le phare que nous avions emprunté au musée de la Marine, et également une extension sur le rôle de l'eau à l'époque copte, à l'époque chrétienne, avec ses ampoules de saint Ménas. Ménas étant un saint, martyr dans la tradition, qui est représenté ici debout, de part et d'autre de dromadaire. Et dans ces petites fioles, on ramenait de l'eau, puisque à côté de sa tombe, une source a jailli, entre guillemets, et donc les pèlerins rapportaient de l'eau de source. Pour évoquer Alexandrie, à Marimont, notre socleur avait imaginé cet arbre à monnaie qui permettait d'évoquer donc le visage des différents Ptolémées. Voilà quelques pages à Marimont également. Nous avons insisté sur les divinités, le panthéon égyptien développé à l'époque hellénistique, à l'époque ptolémaïque, avec une figure importante qui est celle de Sarapis et de sa compagne Isis, et Harpocrate, Horus l'enfant, qui est l'évocation de la triade. Voilà, toujours ce rôle des cartes postales pour évoquer donc l'image et l'évolution de l'image d'Alexandrie, donc appuyé sur ces gravures anciennes. Raymond, nous avions également un fragment de clepsydre, donc une horloge à eau, qui était prêtée donc par un particulier, et alors voilà le détail des machines de l'eau, et également donc un modèle réduit, une réplique que le C. Alex a fabriqué et nous a offert, et qui est donc toujours utilisé aujourd'hui dans les ateliers pour enfants. À Marimont, donc, nous avons constitué un ensemble très développé de ces jarres encore en usage aujourd'hui par rapport à l'eau. Nous avons également accentué sur les filtres à eau, voilà pour les papyrella, donc avec le film dont je vous parlais tout à l'heure. L'eau et la mort à Marimont, voilà encore une table d'offrande. Vous retrouvez les vases dont je vous parlais, l'évocation des divinités, donc très importante. Vous reconnaissez ici l'image de l'enfant avec la tête rasée et un mèche de cheveux traditionnel. Des vases donc spécialement dédiés aux offrandes liquides, mais également pour évoquer la particularité d'Alexandrie et les coutumes funéraires qui ne sont pas les coutumes funéraires pharaoniques, mais les coutumes funéraires donc de l'incinération, avec ces céramiques qu'on appelle les vases de Hadra. Et donc, je m'étais fait plaisir aussi à Marimont quand même. Et donc, j'avais emprunté un objet qui appartient à une collection privée où l'on a une image tout à fait exceptionnelle que je ne connais pas ailleurs. L'évocation d'Osiris par l'image de sa colonne vertébrale. Vous voyez que c'est un hiéroglyphe qui est animé puisqu'il y a des bras humains. Et alors, de son corps sointe toute une série de signes hiéroglyphiques qui signifient l'eau et la prospérité. Et donc, les sointements du corps d'Osiris les fins, c'est évidemment le Nil qui fournit toute la vie et la prospérité. Et nous avons également à Marimont une pièce assez étonnante qui est donc une stèle magique où on voit l'image d'Horus enfant qui est debout sur des crocodiles et qui tient des serpents, des scorpions à la main, et donc avec une inscription magique, et on utilisait ce type de stèle en versant de l'eau sur la stèle qui devait donc prendre évidemment la force des formules magiques et la force de l'image d'Horus qui avait été piqué par des scorpions et qui donc s'en était tiré pour donner à consommer aux malades. À Marimont, nous avions fait une extension, là je vais assez vite, pour évoquer la fouille dont parlait Marido. Donc nous avons ce buste colossal de souveraine ptolémaïque. Le musée moderne a d'ailleurs été construit autour de cette pièce, puisqu'on a dressé le voile de béton au moment de la reconstruction du musée. On a fixé le buste et puis les murs et le toit sont faits. Au musée gréco-romain d'Alexandrie se trouvaient donc la tête et la jambe gauche du personnage masculin qui a été trouvé en même temps, donc quatre éléments. On connaît aussi par les archives d'autres fragments, mais qui n'ont pas été retrouvés jusqu'à présent. Et donc, cela fait qu'on a proposé la restitution d'un couple. C'est une hypothèse en raison des deux mains. Mais ces deux mains, l'une dans l'autre, qui se trouvent conservées à Marimont, m'ont inspiré un jumelage entre le musée de Marimont et le musée gréco-romain d'Alexandrie dans la perspective de pouvoir travailler avec les collègues égyptiens. C'est donc un jumelage qui a maintenant plus de 20 ans. Et donc les fouilles à Smoura ont permis de révéler une série de blocs en alignement. Et donc un monument assez important, une centaine de blocs ont été prélevés et disposés donc à Chalalat. Alors, attesté une série d'activités, comme je vous le disais, autour de l'exposition, des visites guidées, des animations en famille, des visites dans le cadre scolaire, des stages de vacances. À Marimont, l'affiche était un peu différente. On voulait bien entendu évoquer le Nil, mais pour les visiteurs de musées, pour les Européens, quand on évoque l'Égypte, on ne peut pas éviter les pyramides. Hein, l'Égypte sans les pyramides, ça voilà. Et donc, effectivement, dans l'image, on avait choisi ceci. Mais évidemment, puisque le sujet concernait essentiellement Alexandrie. Alors, nous avions eu une autre exposition en parallèle. Une exposition non seulement sur ce que l'on peut connaître d'Alexandrie à travers les récits des voyageurs, parce qu'au musée de Marimont, à part les collections d'antiquités, nous avons également une réserve précieuse avec 15 000 volumes précieux, des autographes aussi, et voilà des autographes de Champollion. Là, j'ai choisi ici de vous montrer Menou, hein, qui évoque évidemment l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Mais nous avons également accès à toute une série de planches d'un voyageur français, marseillais, Jean-Jacques Riffaut. Et donc Jean-Jacques Riffaut qui a décrit évidemment la vie en Égypte telle qu'il a pu la connaître au début du 19e siècle et qui a fourni une documentation assez exceptionnelle. Je vous disais que Jean-Yves est venu et donc a eu un grand succès. Le vernissage a eu un grand succès également. Nous avons eu pratiquement 500 personnes aussi, des visites guidées. Et alors, un vernissage spécial pour les enfants. Donc là, nous avons des activités pour enfants particulièrement développées. Et je vous remercie de votre attention et les 10 heures.